Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, s'est entretenu le 16 courant au Palais des congrès de Mansudae Pyongyang avec les cadres de la Fédération internationale du taekwondo, comme le président Lee Yong-sun et le vice-président Yong Hae-min, qui lui ont rendu une visite protocolaire.